Frank. Come on, let's go, Madonna. Ha ragione su suggestione. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous-Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à tous les semaines à partir du site web souspressionpunk.com, mais aussi à la radio terrestre, au CHU 89,1 FM à Ottawa et le CIVR 103,5 FM à Yellowknife. L'émission est bien sûr enregistrée à Ottawa, le territoire algonquin. Moi c'est Mathieu et je vais être avec vous pendant environ une heure. Je vais faire jouer de la bonne musique. On va commencer l'émission avec du Partisan. Je vais jouer le morceau Rouge Baiser parce que la semaine passée, une grande vedette de la musique soul, Aretha Franklin, est décédée. C'était, on l'appelait the Queen of Soul, la Reine du Soul. Et un peu, peut-être pas évident, le rapport avec le punk, là, mais la musique soul et Aretha Franklin a eu une grande influence sur plusieurs groupes de punk, dont les Partisans. Vous allez voir au début de la chanson qu'il y a un petit sample d'une chanson, c'est du Aretha Franklin. Alors j'ai décidé de commencer l'émission avec ça, un peu en honneur d'elle, aussi parce que c'est une excellente chanson, et aussi parce que c'est important de reconnaître de respecter et de découvrir les groupes qui sont peut-être à l'extérieur du genre de musique punk qui ont quand même eu une influence sur les groupes de punk. Alors je vais commencer avec les Partisans du Rouge Baiser, de leur album Rallumer tous les soleils. Alors c'est ça, en hommage à Aretha Franklin, voici les Partisans sous pression. Looking out on the morning rain. J'ai croisé dans le bus oh, Aretha. Elle m'a dit qu'elle ne priait plus oh, qu'elle n'avait plus la foi. Je n'ai pas oublié le rêve oh, du pasteur Martin Luther. Je veux l'égalité des droits, car quand je te regarde dans tes yeux, je me vois. Ne baissons pas la garde, les phalanges de l'ordre ressuscitent. Rejoins le front de la Jocarde, serrons les rangs, soyons unis. Serrons les rangs et frappons vite. for this. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. En disant toutes les options, tu aurais pu mal finir. La grande, la foire, tu auras quitté ta limousine. Revois encore les bons moments avec tes lambéas. Pour faire ta vérité, c'est ton manque d'immérité. Qui t'aura mérité de conduire les poignets fracturés. Voilà où ça recommence derrière toi comme un vétéran. Et chaque fois qu'on l'entend dans la musique, c'est pas différent. On a fait les 400 tours, les histoires en 45 tours. Racontées comme un disque qui tourne. On a fait les 400 tours, les histoires en 45 tours. Racontées comme un disque qui tourne. Oui, ça dérange, je peux faire appel à les différences. Les gens ont une vie urbaine comme itinérance. Relate les feuilles ouvertes sur verre et ça revienne. Quand il fait chaud comme le sang qui coulait dans tes veines. Va sur les plaies, poulet, t'es pour un squat. Et qu'on sent bien l'ambiance qui règne là. Tout le monde tourne sur l'os qui trouve des têtes à l'apogée. Ça fait que nous rapprocher et dans la danse est arrivé. On a fait les 400 coups, les histoires en 45 coups. Racontées comme un disque qui tourne. On a fait les 400 coups, les histoires en 45 tours, racontées comme un disque qui tourne. Comme un disque qui tourne. Mon père vient de voir enfin devenir le roi de la soirée. Te rappelle dans l'art, regarde tout le monde en a deux. Fouiller les comptes du BSL, les trouver longs. Faire le décompte des concerts et de nuits au Théon. Autant pouvoir faire déborder le local. Ou monter parfois les flics à l'endroit illégal. Seule copie, pour ces moments qu'on a gravé ici. On a fait les 400 coups, les histoires en 45 tours. Racontées comme un disque qui tourne. On a fait les 400 coups, les histoires en 45 tours. Racontées comme un disque qui tourne. On a fait les 400 coups, les histoires en 45 tours. Racontées comme un disque qui tourne. On a fait les 400 coups, les histoires en 45 tours. Racontées comme un disque qui tourne. Pyrex ou Médor. On te disait souvent dehors. On te disait souvent attaque. Je sens venir l'odeur des roses de la trahison. Je sens venir comme une vieille tradition. Très à table, et y'en a pas un qui l'ouvre. Très à table, c'est au moins un qui le couvre. We'll be right back. Salut, on vient d'écouter les Gueules Noires de leur album Les Roses de la Trahison. C'était le morceau Les Roses de la Trahison, du Scafaire Latine avant ça de leur album Série Noire pour Nuit Blanche. On a écouté le morceau Chienne de Vie. Soul and Spirit avant ça avec 45 tours et on a bien sûr commencé le bloc avec les partisans de leur album Rallumé Tous les Soleils, le morceau Rouge Baiser. Alors, avec ça, on va continuer. Je vais faire jouer du Flitox, un groupe français qui date de plusieurs années maintenant. Là. Et ouais, ça fait... Je pense que je les ai juste joués une couple de fois dans les 8 dernières années là, que je fais l'émission Sous Pression. Mais alors, on va les faire jouer une autre fois. Je vais faire jouer le morceau Hiroshima, un court morceau de moins de 2 minutes. Alors voici du Flitox à Sous Pression. Plus personne ne veut être acteur, menteur. shooter. Bon, on passe à la taille supérieure. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter dans le dernier bloc du Flitox d'un album discographique qui s'appelle Ce groupe est mort. On a écouté le morceau Hiroshima. Les ordures Ionic après ça avec leur album éponyme, le morceau à une gorgée de sauver le monde. Du Brixton Cats après ça, de l'album Quartier Maudit, le morceau tranché. Brixton Cats, un groupe de la France qui seront à Montréal au mois d'octobre dans le cadre du Revolution Fest. Alors allez-y si vous pouvez y aller parce que ça va être bon. Et ouais. Là, c'est ça, mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle, comme à toutes les semaines, souspressionpunk.com. Allez checker le site web si vous écoutez la radio. facebook.com/sous-pression, la présence de l'émission sur Facebook, et bien sûr courriel info@sous-pressionpunk.com, info@sous-pressionpunk.com. envoyez des demandes, des commentaires, de la musique, des plaintes, des menaces de mort, n'importe quoi là, comme vous voulez. Alors c'est ça, on va continuer maintenant en musique avec le bloc sono mondial, moment où à chaque semaine on sort de la francophonie parce que l'émission Sous Pression, c'est on met la phase, on fait jouer du punk, du sky hardcore évidemment en français comme je dis au début de l'émission toutes les semaines. Là on sort de la francophonie, on va aller pas trop loin en Ontario, le groupe de Fallout, c'est un groupe de punk évidemment qui viennent de sortir un EP. Sur le label Rebel Time Records, l'EP s'appelle Raise Your Flag. Je vais faire jouer deux morceaux, Red Light Union et le morceau Raise Your Flag. Alors, c'est vraiment bon. Je les ai écoutés une couple de fois, l'EP, juste 4 titres. Et c'est bon. J'avoue que The Fallout, j'ai pas. C'est un groupe que dans le passé, j'ai pas vraiment poigné dessus. Mais là, après avoir écouté cet EP-là, ouais, là, je les apprécie, je pense, beaucoup plus qu'avant. Je vais faire jouer deux morceaux, comme je dis, Red Light Union et Raise Your Flag. Alors, c'est ça, The Fallout à Sous Pression. Trust back for the lives of the working girl. Now what is safe tonight? Trust back for the lives of the working girl. C'était The Fallout avec Red Light Union et Raise Your Flag. On va continuer avec La Gâchette de leur album 20 ans d'insoumission, le morceau L'Instinct de tuer. Chaque sang feu, chaque élan qui s'en obéit. Croyant chacun, les enjeux s'en écrasent. Les mots qui détruisent sont armés, si un humain. Le cerveau qui a alimenté nos arguments. Bye. pendant de vierge, pendant de Christ, de quelqu'un d'autre. C'est sa faute, c'est crise de calais, c'est ta faute. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. Bon, dans le dernier bloc, on a écouté La Gâchette de leur album 20 ans d'insoumission. Le morceau L'instinct de tuer tue la mort après ça avec Nos tripes et nos viscères du Justine de l'album 06-72-43-58-15. C'était Capitale Violence, une reprise de Zabriskie Point. Du dur cœur après ça de l'album Dur, Dur, Dur, le morceau L'eau et le feu du Boulon et Crou après ça avec le morceau Boulon et Crou. Et on vient d'écouter du Front commun de leur album Désordre. C'était le morceau Ben Écœuré, Pierre Tombal. Alors c'est ça, on va se laver. Ouais, on va se laver. J'ai de la misère à ce soir. Je peux pas vous dire à combien de reprises que j'ai enregistré et réenregistré des petits moments où je parlais parce que je faisais des gaffes en tout cas. C'est ça, je me rappelle même plus ce que j'allais dire. Ah ouais, on va se laisser avec un morceau de Yves Bernard, leur démo, le morceau Migraine. Alors c'est ça, passez une excellente semaine, on se retrouvera la semaine prochaine et entre-temps, continuez à écouter du Yves Bernard. Voici Yves Bernard avec Migraine. Je me ferme là, je vous laisse. Ciao.